Daniel Cohn-Bendit, venu en observateur à Carrare, demande la parole pour exposer les théories révolutionnaires du mouvement du 22 mars. Je crois pas très intéressant de polémiquer et je suis contre toute polémique. Si tout à l'heure... Il s'agit d'expliquer notre position. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et non pas l'œuvre d'une quelconque fédération, quelle qu'elle soit, anarchiste ou autre. Ce que nous disons par là, tout simplement, c'est qu'effectivement, nous avons une conception de l'action basée sur l'organisation dans la spontanéité et que à chaque moment, nous refuserons toute forme d'organisation qui pourra tuer cette spontanéité. Si des gens ici se posent le problème, pourquoi êtes-vous venus? C'est pour dire qu'au contraire de tous les groupuscules marxistes-léninistes que nous condamnons, nous sommes prêts à chaque moment dans le mouvement anarchiste de présenter aux yeux de tout le monde nos divergences, car nous savons que c'est dans la divergence que l'action connaîtra pour continuer. C'est pour cela que jamais nous n'accepterons quelque exclusive que ce soit d'un mouvement anarchiste, parce que le mouvement anarchiste, dans le mot anarchiste, cela veut dire contre tous exclusifs, cela veut dire un mouvement ouvert. Et maintenant, je vais parler de l'histoire de Cuba qui a ici énervé les camarades. Il ne s'agit pas pour nous de justifier le bolchevisme. Au contraire, nous l'avons condamné dans l'action, dans les faits, en faisant autre chose. Il ne s'agit pas pour nous de justifier la Russie. Nous sommes pour l'action directe contre l'impérialisme russe. Il ne s'agit pas pour nous de dire qu'il y a un pays où la liberté existe plus que dans un autre. Les pays d'Europe sont des pays capitalistes où la liberté n'existe pas et pas même à Cuba. Et alors je dis, au nom de tous les camarades qui se sont battus à Paris, à Rome, à Milan, à Berlin, dire que les pays d'Europe sont libres, c'est être contre-révolutionnaire. Et ceci, nous pouvons l'expliquer. Les camarades, et il existe des camarades qui sont encore à Cuba s'ils ne sont pas morts, c'était des camarades anarchistes qui continuent à lutter. Mais le mouvement en exil, et je le prétends, comme la SAC, en fait, est payé par la CIA. C'est-à-dire que jamais, parce que nous sommes contre le bolchevisme, ce qui est vrai, parce que nous sommes contre les Russes, ce qui est vrai, nous n'accepterons d'être payés par la CIA. Et j'en donne une preuve. La CIA fait plusieurs approches au mouvement du 22 mars. La dernière, c'était par la voix d'un groupe de forces ouvrières qui, à un moment, reçoit des fonds de la CIA. Nous l'avons refusé parce que, justement, la lutte du troisième front, qui a toujours été la lutte anarchiste, ne doit jamais se poser dans le dilemme est ou est. Nous refusons l'est, nous refusons l'ouest, et nous ne collaborerons jamais. Cela veut dire qu'effectivement, nous sommes des putains. Cela veut dire qu'effectivement, nous ne sommes pas purs. Cela veut dire, et Maurice, je le regrette, que le mouvement du 22 mars n'est pas un mouvement de vierge, mais est un mouvement qui mène un combat politique et qu'à certains moments, il a fait sûrement des saloperies qu'il faudra analyser, qu'il faudra expliquer par la situation. Mais je prétends que le mouvement libertaire français, je parle du mouvement libertaire français et je m'en excuse car je le connais un peu, en voulant rester trop pur, a souvent été morne et inactif. Mais je ne dis pas que les militants étaient inactifs. Et je ne prétendrai jamais que Maurice Joyeux, que tous les militants aient été inactifs. Je prétends simplement, c'est peut-être un peu, grandiloquent, que vous avez fait des erreurs, et que votre conception de l'action n'était pas une conception juste. Là-dessus, on peut discuter. Mais comme j'ai toujours refusé, maladroitement je l'avoue puisque je repars à ce micro, le végétariat, parce que je me suis énervé, il fallait quand même expliquer pourquoi on s'est énervé, Maurice, jamais je ne dirai à un micro que j'étais en tête d'un mouvement, parce que ça, c'est contre la révolution. Il est évident que nous faisons tous des erreurs. Il est évident que le mouvement du 22 mars n'a pas pu, puisque le mouvement français n'a pas abouti à l'instauration des conseils ouvriers. Mais ce que je dis, et ceci est pour le Congrès, si le mouvement révolutionnaire doit continuer et non pas renaître parce qu'il est existant, et cela la France l'a montré pendant les mois de mai et juin, si ce mouvement doit continuer, nous devons simplement abandonner le faux dilemme anarchiste marxiste, mais poser le dilemme révolutionnaire ou non. Et c'est une chose. Pour nous, les bolcheviks pendant la révolution russe étaient contre-révolutionnaires. Cela veut dire que nous les condamnons. Mais cela ne veut pas dire que nous condamnons tous les marxistes, parce que ça aussi, ça ne veut rien dire. Le mouvement révolutionnaire doit se baser sur l'autogestion, comme il a été très bien dit ici, doit se baser sur les conseils ouvriers, doit se baser sur le refus de la direction, que ce soit par un parti communiste ou par une fédération anarchiste. Il n'y a pas de direction au mouvement révolutionnaire, mais c'est les conseils ouvriers eux-mêmes qui se dirigent. Cela veut dire tout simplement que qui est d'accord sur cette base, qu'il soit anarchiste marxiste, et il y a des militants au mouvement du 22 mars, et c'est là que ça devient du jésuitisme, qui se disent marxistes et qui sont d'accord avec nous. Les uns diront qu'ils ont mal compris le marxisme, les autres diront qu'ils l'ont très bien compris, eh bien, nous ne discuterons là-dessus théoriquement, mais nous agirons ensemble. Et si c'est ça que tu nommes putain, je l'avoue, nous sommes putain. Et la dernière phrase, puisque nous sommes en Italie, sur notre conception de la révolution. Notre conception de la révolution est telle que les formes de l'organisation que nous prenons doivent être à tout moment et jamais en opposition au projet révolutionnaire que nous avons. Cela veut dire que nous ne sacrifierons jamais une minute de notre vie pour la révolution, car vivre dans la révolution, car la révolution est quotidienne, c'est changer quotidiennement notre vie quotidienne. C'est-à-dire que c'est, à tout moment, trouver des formes de vie qui ne sont pas des formes de socialisme, mais qui sont en rupture totale avec la politique de notre société. Et la vie quotidienne, la manière dont on vit, la manière dont on aime, la manière dont on fait l'amour, la manière dont on ne fait pas l'amour, la manière dont on emploie des pilules, la manière dont on n'emploie pas des pilules, c'est aussi faire la révolution. C'est de ceci que nous devons parler aussi, sinon nous sommes contre-révolutionnaires. Et pour dire que si nous sommes contre cette forme de congrès ici, c'est parce que nous disons qu'il prend l'allure d'un congrès social-démocrate. Nous voulons un congrès révolutionnaire, c'est-à-dire un congrès où il y ait des commissions seulement qui parlent, qu'on abolisse ces tribunes, parce que nous n'avons pas besoin de tribunes, nous pouvons mettre des micros baladeurs dans tout le monde. Et nous disons que si on nous dit de sortir, c'est qu'on n'a pas compris que le mouvement révolutionnaire, s'il est révolutionnaire, doit porter sa propre contradiction et sa propre contestation à l'intérieur de son sein. Et comme la Fédération anarchiste française, la Fédération anarchiste italienne participe au mouvement révolutionnaire, nous trouvons normal de contester certaines de ces actions si elles ne paraissent pas adéquates, car nous la considérons comme menant le même combat que nous, même si de temps en temps nous ne sommes pas d'accord.